Leçon 4. Activité 2 et 3. Page 100. Piste 77. Salut, comment vous vous habillez pour le spectacle ce soir? Moi, je porte un jean bleu clair, un pull jaune et des baskets jaunes. Et toi, en veillée? Je mets un uniforme, une jupe bleue, un chemisier blanc. Et je porte aussi des baskets orange. Félix, tu portes? Je porte un pantalon bleu, un anorak orange et des chaussures noires. Moi, je mets une robe rose, une écharpe rose et des baskets roses aussi.